Chapitre 20e. Corsican et moi, nous ne pouvions plus douter. C'était Helen, la fiancée de Fabian, la femme d'Harry Drake. La fatalité les avait réunis tous trois sur le même navire. Fabian ne l'avait pas reconnue, bien qu'il se fût écrié « Elle, elle !» Et comment aurait-il pu la reconnaître? Mais il ne s'était pas trompé en disant « une folle ». Helen était folle, et sans doute, la douleur, le désespoir, son amour tué dans son cœur, le contact de l'homme indigne qu'il avait arraché à Fabian, la ruine, la misère, la honte, avaient brisé son âme. Voilà ce dont je parle le lendemain matin avec Corsican. Nous n'avions d'ailleurs aucun doute sur l'identité de cette jeune femme. C'était Helen que Harry Drake entraînait avec lui vers ce continent américain et qu'il associait encore à sa vie d'aventure. Le regard du capitaine s'allumait d'un feu sombre en songeant à ce misérable. Moi, je sentais mon cœur bondir. Que pouvions-nous contre lui, le mari, le maître? Rien. Mais le point le plus important, c'était d'empêcher une nouvelle rencontre entre Fabian et Helen, car Fabian finirait par reconnaître sa fiancée, ce qui amènerait la catastrophe que nous voulions éviter. Toutefois, on pouvait espérer que ces deux pauvres êtres ne se reverraient pas. La malheureuse Helen ne paraissait jamais pendant le jour, ni dans les salons, ni sur le pont du navire. La nuit seulement, trompant son geôlier sans doute, elle venait se baigner dans cet air humide et demandait à la brise un apaisement passager. Dans 4 jours au plus tard, le Great Eastern aurait atteint les passes de New York. Nous pouvions croire que le hasard ne déjouerait pas notre surveillance et que Fabian ne serait pas instruit de la présence d'Helen pendant cette traversée de l'Atlantique. Mais nous comptions sans les événements. La direction du steamship avait été un peu modifiée pendant la nuit. 3 fois, le navire, trouvant l'eau à 27 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire de 3 à 4 degrés centigrades au-dessous de zéro, était descendu vers le sud. On ne pouvait mettre en doute la présence de glace très rapprochée. En effet, ce matin-là, le ciel présentait un éclat particulier. L'atmosphère était blanche. Tout le nord s'éclairait d'une intense réverbération, évidemment produite par le pouvoir réfléchissant des icebergs. Une brise piquante traversait l'air, et vers 10 heures, une petite neige très fine vint subitement poudré à blanc le steamship. Puis un banc de brume se leva, au milieu duquel nous signalions notre présence par de nombreux coups de sifflet, bruit assourdissant qu'effaroucha des volées de mouettes posées sur les vergues du navire. À 10h30, le brouillard s'est enlevé, un steamer à hélice parut à l'horizon sur tribord. L'extrémité blanche de sa cheminée indiquait qu'il appartenait à la compagnie Inman, faisant le transport des émigrants de Liverpool sur New York. Ce bâtiment nous envoya son numéro. C'était le City of Limerick, de 1530 tonneaux de jauge et de 256 chevaux de force. Il avait quitté New York samedi, et par conséquent, il se trouvait en retard. Avant le lunch, quelques passagers organisèrent une poule qui ne pouvait manquer de plaire à ces amateurs de jeux et de paris. Le résultat de cette poule ne devait pas être connu avant 4 jours. C'était ce qu'on appelle la poule du pilote. Lorsqu'un navire arrive sur les atterrages, personne n'ignore qu'un pilote monte à son bord. On divise donc les 24 heures du jour et de la nuit en 48 demi-heures ou 96 quarts d'heure, suivant le nombre des passagers. Chaque joueur met un enjeu $1 et le sort lui attribue l'une de ses demi-heures ou l'un de ses quarts d'heure. Le gagnant des 48 ou 96 dollars est celui pendant le quart d'heure duquel le pilote met le pied sur le navire. On le voit, le jeu est un peu compliqué. Ce ne sont plus des courses de chevaux, ce sont des courses de quart d'heure. Ce fut un Canadien, l'honorable McAlpin, qui prit la direction de l'affaire. Il réunit facilement 96 parieurs, parmi lesquels quelques parieuses, et non les moins âpres au jeu. Je suivis le courant et j'engageai mon dollar. Le sort me désigna le 64e quart d'heure. C'était un mauvais numéro dont je n'avais aucune chance de me défaire avec profit. En effet, ces divisions du temps sont comptées d'un midi au midi suivant. Il y a donc des quarts d'heure de jour et des quarts d'heure de nuit. Ces derniers n'ont aucune valeur aléatoire, car il est rare que les navires s'aventurent sur les atterrages au milieu de l'obscurité, et par conséquent, les chances de recevoir un pilote à bord pendant la nuit sont très diminuées. Je me consolais aisément. En redescendant au salon, je vis qu'une lecture avait été affichée pour le soir. Le missionnaire de l'Utah annonçait une conférence sur le mormonisme. Bonne occasion de s'initier au mystère de la Cité des Saints. D'ailleurs, cet elder, Mr. Hatch, devait être un orateur et un orateur convaincu. L'exécution ne pouvait donc manquer d'être digne de l'œuvre. Les passagers accueillirent favorablement l'annonce de cette conférence. Le point affiché avait donné les chiffres suivants. Latitude 42 degrés 32 minutes nord. Longitude 51 degrés 59 minutes ouest. Course 254 miles. Vers 3 heures de l'après-midi, les timoniers signalèrent l'approche d'un grand steamer à quatre mâts. Ce navire modifia légèrement sa route afin de se rapprocher du Great Eastern, dans l'intention de lui donner son numéro. De son côté, le capitaine laissa porter un peu, et bientôt le steamer lui envoya son nom. C'était l'Atlanta, un de ces grands bâtiments qui font le service de Londres à New York en touchant à Brest. Il nous salua au passage, et nous lui rendîmes son salut. Peu de temps après, comme il courait à contre-bord, il avait disparu. En ce moment, Dean Pitferge m'apprit, non sans déplaisir, que la conférence de Mr. Hatch était interdite. Les puritaines du bord n'avaient pas permis à leur mari de s'initier au mystère du mormonisme.